Bonjour France Inter, j'ai adoré votre émission sur Diams. Vraiment, ça m'a rappelé des souvenirs et ça m'a rappelé l'artiste qu'elle était. Et j'aimerais aussi souhaiter une bonne fête de la Ligue à tous. Ça m'a fait plaisir de vous l'entendre dire. Je veux une bombe latine, une bombe latine. Laisse-moi kiffer la vibe avec mon mec. Je suis pas d'humeur à ce qu'on me prenne la tête. Concernant la conversion de Diams à l'islam, une de vos invités a dit à un moment donné qu'elle est passée de la petite fille gentille idéale, etc. Donc bien habillée, tout ça, blabla, des Halles de Paris. La petite fille à la fille donc, qui se convertit à l'islam et qui ne respecte pas la République, etc. Enfin bon. Donc en gros, parce que tu te voiles, tu te convertis à l'islam, donc tu fais œuvre de séparatisme. Et tu ne respectes pas le principe républicain, c'est ça, édicté par le prince. Ouais, c'est un peu limite, quoi. Je pense que ça supposait peut-être une reprise. Voilà. Bah écoutez, en tout cas, c'était une très bonne émission. Je vous embrasse tous. Diams, c'était pas du tout mon truc. Et j'ai découvert plein de choses pendant l'émission. Et je voulais vous remercier parce que finalement, il n'y a qu'avec vous que je connais ce genre de truc. Alors, merci, bel été. Putain, je viens d'écouter ton émission sur Diams et ça m'a ramené en 2006, le 1er décembre 2006. J'ai enterré ma vie de garçon, là, le Tony Garnier, à un concert de Diams. Donc voilà, super émission. Bravo à tes intervenants, Fred Musa, comme d'hab. Et si vous voulez écouter un bon morceau, allez sur la compile Sachons dire non, écoutez Front contre Front du Grand Diams, allez Blockbuster, bonne continuation, garde tes émissions, ciao ciao. To be or not to be, not to be. Qu'est-ce que c'est saoulant les papas parfaits. Je les vois là au parc avec leur petite Aristide ou la petite Isée en train de jouer au foot, faisant semblant de s'être fait dribbler par un enfant de 4 ans. Et au moindre but, vas-y que ça s'exclame. Waouh, mais t'es trop forte Isée, ils vont te prendre en équipe de France, c'est sûr. Tu peux être ce que tu veux ma fille, papa sera toujours là pour te soutenir à fond. Le moindre dessin d'une patate avec des pieds, tu les entends. Oh, il est magnifique ton cheval. Vite, appelons le magazine Beaux-Arts, je suis sûr qu'ils seront preneurs. Sous prétexte qu'il faut inculquer aux enfants la confiance en soi. Mais que dalle ! Moi, quand je joue à un jeu de société ou à un jeu vidéo avec mes enfants, je les détruis. Plus de famille, plus de papa. Hors de question que je te laisse gagner à Mario Kart si t'as pas le niveau. T'es mauvais ! Et le fait que t'aies des mains trop petites pour tenir la manette n'excuse pas tout. La vie est injuste, je suis la vie. Mais dans Mario Kart, les concepteurs ont inventé un antidote à la méritocratie. La fucking carapace bleue. T'as beau être premier, dominer une course tout du long, si un des losers derrière toi chope une carapace bleue, il peut te l'envoyer sur la tête où que tu sois. Tu te plantes dans le décor et au final, t'arrives deuxième. La carapace bleue, c'est l'épée de Damoclès des winners. Si la carapace bleue existait dans la vraie vie, Jeff Bezos hier, il se laisserait pris avant même de monter dans un fusée. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. Select your player. Okay. Si le personnage de jeu vidéo Mario nous a habitués à sauter de plateforme en plateforme pour sauver la princesse Peach de la femme Bowser depuis des années, on le retrouve aussi depuis presque 30 ans au volant d'un kart. Mario Kart est encore aujourd'hui le jeu vidéo le plus vendu sur Nintendo Switch, quasiment sans publicité ni remake ou reboot. Mario Kart est une valeur sûre que tout joueur doit avoir sous une version ou sous une autre. Pour revenir sur les raisons de ce carton sans précédent, j'ai à mes côtés Marion Bargiaki, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste jeux vidéo, on vous lit dans West France. C'est ça. Et on peut vous suivre sur Twitch sous votre alias Yamoukas. C'est ça, tout à fait. Avec nous pour la première fois, et on est ravis de l'avoir avec nous, Ponce, bonjour. Oui, bonjour. Enchanté. Vous êtes streamer sur Mario Kart. Exactement, pas que Mario Kart, mais notamment, effectivement. Bon. Avec nous... Il est là, et oui, parce qu'il a aussi cette corde à son arc. Dedo, bonjour. Bonjour, très content d'être là pour ce jeu très énervant mais si magnifique. Donc on rappelle que vous êtes humoriste, on vous attend sur scène en septembre pour votre spectacle Princesse Leia et en tournée avec votre nouveau spectacle de stand-up. En attendant, on vous écoute dans votre podcast à vous, Fucked Up Movies. Tout est dit. Évidemment, il ne pouvait pas être absent. Olivier Pénis, bonjour. Bonjour, je suis très heureux d'être présent à cette thérapie de groupe. Pour oui, c'est bien, on va essayer de guérir ensemble. On va dans la bonne direction. Progresser. Vous êtes journaliste à la rédaction numérique de France Inter. On vous écoute aussi dans votre chronique La faute aux jeux vidéo. Exactement. Ensemble, on va revenir sur l'historique de Mario Kart, son créateur, ses mécaniques de jeu, les différentes versions qui ont émaillé la grande histoire du jeu vidéo. On va tenter de comprendre et d'expliquer ce qui fait le succès des Mario Kart, là où tant de jeux de course peinent des fois à faire l'unanimité. Allez, Mario Kart, let's go! Marion Barzaki. Oui. Alors, je sais qu'habituellement, quand on traite de jeux vidéo, il est toujours nécessaire de poser vraiment les bases pour que les auditeurs qui ne connaissent pas puissent saisir ce qu'est Mario Kart. Mais là, quand même, on est face à un jeu extrêmement connu. Mais on ne sait jamais, des fois, qu'il y en ait deux qui ne connaissent pas Mario Kart. C'est au fond de la salle qui ne connaissent pas. Voilà, exactement. Alors, je crois que le concept est assez clair. Vous prenez Mario et toute sa bande de copains, hein, bon, son frère Luigi, la princesse Peach, Bowser, etc. Vous les mettez dans des cartes. Vous les lancez sur la piste, ils récupèrent des objets à se balancer à la figure. Et voilà, il faut que vous soyez premier. Exactement. Bon, voilà. Donc c'est un concept assez simple. Mais comment on explique que depuis 30 ans, ce jeu arrive en tête de tous les classements des jeux vidéo Nintendo, et qu'en fait, même pour des gens qui sont non-joueurs ou joueurs occasionnels, Mario Kart est une référence auquel ils ont déjà joué au moins une fois dans leur vie. Parce qu'en fait, Mario Kart déjà a eu son épisode sur à peu près toutes les consoles de Nintendo, si je dis pas de bêtises, et puis surtout, c'est un jeu qui est extrêmement accessible. Même si vous n'avez jamais mis la main sur un Mario Kart, vous aurez des options en jeu qui vous permettent de rester sur la piste et de vous entraîner petit à petit et de prendre du plaisir avec votre famille ou vos amis. Ponce, comment vous avez découvert Mario Kart? Avec quel numéro? J'ai découvert Mario Kart sur 64, donc si je dis pas de bêtises, c'est le deuxième opus. Le premier était sur NES, donc j'ai découvert sur 64, mais j'étais assez jeune. Super NES. Super NES, exact. Et j'étais assez jeune, je suis de 91, et ensuite surtout sur Double Dash, où c'est vraiment l'opus sur lequel j'ai passé le plus de temps, assez exceptionnel. Il y avait deux personnages dans le même carte, on pouvait les interchanger, il y avait aussi des objets spéciaux spécifiques. Oui, il fallait se coordonner pour bénéficier d'accélération soudaine. Exactement. Il y en avait un qui contrôlait les carapaces envoyées ou les objets, et l'autre qui pilotait le carte. Tout à fait, et c'était agréable de pouvoir jouer notamment avec un ami sur le même carte, ensemble. C'était la première fois d'ailleurs qu'on pouvait jouer ensemble à Mario Kart. Mais sur à l'époque, le même on avait encore des amis en jouant. Exactement, tout à fait. On les a tous perdus depuis. Dedo, vous avez découvert Mario Kart à quel moment? Ah, moi, c'est un très bon souvenir. C'est un souvenir synonyme de liberté parce que je séchais les cours au lycée. Sortais de prison? Bah, déjà, disons que c'était quelque chose d'associé de toute manière. Et ouais, il y avait un pote qui l'avait sur Super Nin. Et du coup, je l'ai découvert par ce biais. Ah oui, vous disiez Super Nin? Ouais. Je suis de cette génération. Ouais. Pourquoi on devrait dire quoi? Non, c'est ouais, ça fait. J'ai un comeback là. Ah ouais, bah oui. Il y a une époque où on disait Super Nintendo. À l'époque, on avait des dents, c'était bien. Et donc ouais, j'ai découvert aussi la joie de ce jeu qui effectivement bénéficie d'une super accessibilité. La prise en main est très arcade et va très vite. Le fun qui en découle avec l'obtention des objets sur le circuit fait que derrière, on a encore plus envie de jouer. Et j'ai découvert aussi, par ce même biais, l'occasion de gagner des parties et très vite courir, parce qu'on se frappait énormément. C'est un jeu qui, malheureusement, provoque la violence sur les épaules, la plupart du temps. Des tensions entre les amis. D'ailleurs, souvent, on a pointé Mortal Kombat du doigt pour la violence supposée que ça pouvait générer, mais on n'a jamais pointé Mario Kart. Alors c'est qu'effectivement, rien du tout, c'est rien. Je suis souvent venu aux mains sur Mario Kart. D'autant que Mario Kart, Mortal Kombat, j'étais très détendu. D'autant plus que la version sur Super Nintendo, il n'y avait pas encore cette fameuse carapace bleue donc que tu décrivais tout à l'heure, qui est bien pire que t'arrives deuxième, parce que tu peux être premier et finir huitième très rapidement si t'es devant la ligne. Donc c'est une bonne métaphore de la vie. Quand t'es premier, on te déteste, et quoi qu'on va faire, on va vouloir te détruire. C'est exactement ce qu'a dit Jeff Bezos dans son... Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Il a dit avec beaucoup de dollars dans la bouche. Olivier Bénis, comment a été créé Mario Kart? Parce qu'on connaît le personnage du plombier Mario, toute la mythologie qui l'entoure, son frère Luigi. Oui, tous les personnages, l'univers. Mais comment il s'est retrouvé dans Mario Kart? Parce que tout simplement Mario, qui est censé être un plombier, est le plombier qui fait le moins de plomberie de l'histoire de la plomberie. C'est-à-dire qu'on ne l'a jamais vu repérer quoi que ce soit en termes d'évier ou de lavabo ou de toilette. Mais par contre, il fait des devis qui sont échelonnés sur beaucoup d'années. Très longtemps. Par contre, il fait à peu près tout. Donc c'était à une époque, en 1992, où on se disait, tiens, la série Mario marche bien. Pourquoi est-ce qu'on la déclinerait pas à peu près sur tous les styles de jeu? Donc il y a eu, il y avait des équivalents de Tetris avec des personnages comme Yoshi, des choses comme ça. On testait un petit peu tout. C'était une époque où on savait pas trop quoi faire avec les personnages de jeux vidéo. Et donc on est arrivé à cette création de Mario Kart en 92 sur la Super Nintendo. Et ça a tout de suite été un énorme succès parce que c'était, comme disait très bien Marion, c'est vraiment tellement accessible. En fait, il y a littéralement deux boutons à connaître pour réussir à jouer, donc ça peut jouer très très facilement, n'importe qui peut le prendre en main, même en allant donc chez les copains, les copines, les voisins, la famille proche, les choses comme ça, et arriver, prendre la manette et n'avoir jamais joué et pouvoir jouer contre toute personne et même éventuellement gagner, puisque Mario Kart a ce côté un petit peu aléatoire dans la victoire. Alors évidemment, il n'y a pas que le hasard qui joue, il y a aussi une part de compétence, mais il y a vraiment quand même un côté redistribution des cartes régulière dans le jeu qui fait que une course va avoir des moments plus ou moins forts selon ce qui se passe, selon les objets qu'on va ramasser. Et c'est tout le talent de Nintendo justement d'avoir fait quelque chose où une course n'est jamais linéaire. C'est jamais Lewis Hamilton qui part, il est premier au début, il sera le premier à la fin. Non, le premier pourra être huitième au bout d'un moment, le douzième pourra être deuxième. Voilà, ça va bouger tout le temps au fur et à mesure qu'on va utiliser et qu'on va jeter à la tronche des autres toutes sortes d'objets plus ou moins maléfiques. En fait, le meilleur moyen d'attester du niveau des joueurs, c'est leur réaction du passage de premier à huitième. C'est-à-dire que s'ils pestent énormément, ils disent « Non, mais il est pourri, ce jeu, il est cheaté, etc. etc. » On sent qu'on avait affaire à quelqu'un qui, logiquement, joue bien et qui vit très très mal ce déclassement social. Alors que si quelqu'un est mauvais et se retrouve premier comme ça, « Oh bah, c'est bien. » voilà, en général, ils sont beaucoup plus silencieux. J'ai pas fait exprès. Il y a de ça. Est-ce que c'est justement ce côté, les cartes sont sans cesse rebattues dans Mario Kart qui vous a plu? Je pense que, alors ce qui m'a plu probablement, mais ce qui plaît à tous les gens, je pense que c'est ça. C'est-à-dire que quand on prend la manette et qu'on joue pour la première fois à Mario Kart, on peut gagner. Donc à partir de là, on a envie de jouer, on se dit tout est possible, on peut gagner même contre quelqu'un de très fort, on peut perdre contre son cousin de 5 ans alors que nous on a 10 000 heures sur le jeu. Je pense que c'est ça effectivement qui fait le succès de ce jeu-là, plus que d'autres jeux de race qui existent comme Crash Team Racing par exemple, où en général le premier... Et une fois qu'il est premier, ça va être difficile d'aller le rattraper si on n'a pas été premier avant. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup d'imitations. Il y a eu donc cette version de course avec le héros de Crash Bandicoot. Ouais. Il y a eu Sonic aussi. Ouais. Ce qui, au fond, est une aberration parce que Sonic court déjà très très vite. Il n'a pas besoin d'un kart. Mais pourtant, voilà, ils l'ont mis dans un kart aussi. Il y avait Street Racer aussi sur PlayStation 2. Les fous du volant aussi. Très bonne adaptation, oui. Oui, c'est vrai. Pas mal du tout, c'est ça. C'est vrai. Et pourtant, aucun de ces jeux n'a un succès comparable à Mario Kart. Non, clairement. Et puis aussi, au-delà de ça, on a quand même Mario avec tous ses amis, donc Luigi, etc. Mais ça va même jusqu'à Link. Et en fait, c'est des licences qui sont si vieilles aujourd'hui. Elles ont plus de 30 ans, ces licences-là. Et elles évoluent dans l'air du temps à chaque fois. 30 ans, c'est pas si vieux que ça. Pour une licence de jeux vidéo, ça commence à faire. Non, mais pour un être humain. Je dis ça. C'est juste que c'est transgénérationnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Mario, il y en a beaucoup qui ont joué et ça continue. Mario, ça plaît autant à un enfant de 5 ans que, effectivement, à un homme, une femme de 45-50 ans, bien sûr. Je pense que c'est ça aussi qui fait le succès du jeu. Ouais. Marion, oui. C'est vrai qu'on parle comme ça des différentes. De ce Mario Kart qui a traversé les époques, mais est-ce qu'il y a une version de Mario Kart en particulier qui a retenu votre attention? Alors, je pense ou est-ce que vous avez toujours été joueuse intemporelle? Ah non, pas du tout. Justement, j'étais joueuse, infidèle. J'ai eu une longue période sans jouer à Mario Kart. Et le Mario Kart 8 Deluxe, le dernier sorti en fait sur Switch, m'a complètement rattrapée par le col. Mais qu'est-ce que tu as fait pendant tant d'années, Marion? Reprends les rênes. Et c'est, je pense, le jeu qui est le mieux abouti de cette licence, en fait. Vous avez tout dedans. Il y a tout. Il y a tous les personnages. Il y a presque tous les circuits. Les musiques. La maniabilité est folle. Et puis le online. Jouer online, surtout vu les mois qu'on vient de passer, c'était quand même un bon petit plaisir. Oui, alors j'explique aux auditeurs qui ne connaîtraient pas. Ça veut dire qu'en fait, on peut jouer avec un autre joueur tout en sans être dans la même pièce. Voilà, sur internet. Voilà, les gens sont sur chez eux et on joue en ligne avec avec quelqu'un. C'est ça. Et on peut s'insulter à distance au lieu de le faire sur un canapé, c'est quand même assez appréciable. Exactement, exactement. Même si ça donne beaucoup de confiance aux gens qui sont voilà, j'ai remarqué que sur un canapé on maîtrise un peu plus son vocabulaire que quand on est en ligne. C'est mieux pour l'intégrité physique par contre. Oui, oui, ouais. Nous sommes d'accord. Après il y a pas sur canapé ce côté je shoote dans la manette de l'autre pour le déstabiliser. Oui, voilà. Et alors pour les auditeurs, n'imaginez pas une seule seconde que c'est un truc de joueur énervé ou de joueuse énervée, des adultes. Des gens qui paient des impôts, oui. Qui paient la taxe d'habitation. Moi, j'ai des manettes auxquelles j'ai dit adieu parce que j'avais eu le malheur de faire tester le jeu à ma mère ou à d'autres personnes. Donc vraiment, ce n'est pas les plus virulents, sont pas forcément les plus jeunes. Non, en effet. Moi, je conseille souvent aux gens de prendre un coussin à côté quand on joue. Il faut frapper dans le coussin que la manette, ça coûte moins cher. Ou de mettre de la moquette au sol dans son appartement. Oui, mais c'est très moche. Oui, mais bon, parfois, il vaut mieux ça que de dépenser autant d'argent dans des petits soucis techniques. Ah, on vient de soulever un lièvre, là. Peut-on être allergique aux acariens et jouer à Mario Kart? C'est une bonne question. Si vous connaissez le rappeur Orelsan par ses albums ou par la série Bloqué, vous savez qu'il trompe son ennui légendaire. En jouant à Mario ou à Mario Kart, on l'écoute avec Sissel, tiré de l'album Le Chant des Sirènes, sorti en 2011. J'attends pas grand chose de spécial. Les jours passés se ressemblent un peu. Tout le temps, la tête dans les étoiles. Des tonnes de personnes défilent sous mes yeux. Des fois je me sens vraiment bien, des fois c'est du bluff. Des fois je fais des blocages, je parle pas de faire du smurf. Rien de neuf, à part un coup de vieux dans les rues de ma ville. Je dors plus la nuit, je dialogue avec une machine. Je sors de chez moi sous les insultes de ma voisine. Elle a pas de voiture mais sa vie c'est surveiller sa place de parking. Quand je pense qu'elle a traversé le temps pour ça je ressens tellement de pitié. Vieillir me fait vraiment flipper. Quand je grandissais je remplissais des trous avec du vide. Je peux pas devenir le plus intelligent, je serai le plus stupide. Je portais l'adolescence comme un fardeau. Passe-moi une craie blanche, je veux plus noir sur le tableau. Passe-moi des explosifs, une masse ou un marteau. J'en ai marre d'escalader la pyramide de Maslow. Je transpire à grosses gouttes chaque fois que le jour se lève. Je passe mes nuits à courir après mes rêves. J'attends pas grand chose de spécial. Les jours passés se ressemblent un peu. Tout le temps, la tête dans les étoiles. Des tonnes de personnes défilent sous. Dans des files d'attente, y'a toujours un papier qui manque. Numéro 4. Ça tombe bien, j'ai pris le 60. Les jaloux croient que je suis blindé, c'est pas la vie de ma banque. De toute façon, j'habite à Caen, j'entends que la pluie battante. Le trésor public doit être rempli d'amiante. J'ai mal au crâne quand on parle de remplir mes fiches à temps. Je prends le volant après 15 vodka, je conduis bizarrement. Je parle de Super Mario Kart sur Wii, évidemment. En ce moment, je vois moins mes potes qu'à l'époque. Je commence à saturer de raconter les mêmes anecdotes. J'essaye le plus possible de voir mes grands-parents. Je me sens tellement feignant quand j'écoute leurs histoires du temps d'avant. Souvent absent, j'ai la tête ailleurs. Je m'entends parler sans conviction comme si je me voyais de l'extérieur. Toujours 60 minutes de retard au compteur. Tous les soirs, je m'égare dans la 25e heure. C'était Si Seul d'Orelsan. Blockbuster, Frédéric Sigrist, sur France Inter. Marion Barjacky, Derrière Mario Kart, il y a une fois de plus Shigeru Miyamoto. Oui, tout à fait. Oui, c'est lui qui, à l'époque, de toute façon, chapeautait plus ou moins tous les grands projets de Nintendo. Alors, évidemment, il n'est pas tout seul, mais dans le jeu vidéo, comme dans le cinéma, souvent, on retient un nom parmi toute une équipe qui travaille. Mais oui, c'était lui, comme sur Zelda, comme sur Mario. C'était Shigeru Miyamoto. Mais alors, moi, je trouve ça absolument fascinant parce que on a quand même un homme, et même si vous faites bien de le souligner, qui est entouré par une équipe, qui, mine de rien, a construit à lui seul tout un empire, tout un tas de jeux absolument cultes. Zelda qui continue de se vendre inlassablement, qui est toujours en tête des hits, même sur la Switch. Mario Kart également. Je pense que Mario doit arriver en troisième, le jeu de plateforme originel aussi. C'est quand même incroyable d'avoir quelqu'un. Ils vont faire un jour de deuil national. Le jour où il va disparaître au Japon. Au même plus qu'un, peut-être. Ce qui serait étonnant quand même pour le Japon, mais oui, je pense que. Oui, ils vont faire trois heures de deuil. Tout à fait. Et puis après, ils vont se reprendre. C'est une sorte de dieu vivant dans le monde du jeu vidéo mondial et particulièrement au Japon. Et surtout, c'est un personnage qui est passionnant, Miyamoto. C'était un peu. Il y a un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur des textes de Satoru Iwata, qui était l'ancien président de Nintendo, enfin un des présidents historiques de Nintendo, qui a énormément travaillé avec Miyamoto et qui disait qu'en gros, lui, c'était plus ou moins le côté business, programmation, le côté technique, scientifique, et que Miyamoto avait vraiment ce côté très créatif et surtout qu'il avait une envie de faire en sorte que les gens s'amusent. Ce qui était, enfin, ça a l'air très bête, dit comme ça, mais vraiment, c'est quelqu'un qui a toujours eu au cœur de toutes ses créations qu'il fallait que les gens s'amusent facilement et vite. Et donc un des trucs qu'il faisait, c'était un des premiers à faire ça, c'est que dès qu'il avait un petit prototype de jeu, un truc comme ça, il chopait un salarié un peu au hasard dans son équipe, il le posait devant le truc avec une manette et il disait joue, je te regarde. Voilà, et le mec devait faire des choses, et dès qu'il galérait, qu'il y avait un truc qu'il n'arrivait pas à passer ou un truc comme ça, Miyamoto lui disait pas mais pourquoi tu fais pas ça, il disait ok, ça c'est que ça marche pas. Et donc, il refaisait le truc pour que le mec, après, revienne et comprenne immédiatement ce qu'on attend de lui et comment progresser. Et Mario Kart, je trouve qu'il y a un peu la quintessence de ça. Et en plus, ça a été distillé sur des années, même des décennies de travail de plein d'équipes différentes. Ce qui fait qu'ils sont arrivés à une espèce de formule petit à petit, en ajustant des choses, en ajustant la vitesse des cartes, en ajustant les sensations quand on les utilise, en ajustant les objets, qui sont vraiment un élément très important de Mario Kart, tous ces objets qu'on peut se lancer. Mais surtout qu'en plus, à chaque fois, il y a aussi cet élément de mystère. C'est-à-dire que quand on passe sur le checkpoint, la zone qui vous donne accès à un objet, il y a une sorte de loterie qui se met en place et on ne sait pas l'objet qui va. Donc on peut espérer, il y a quelques secondes, on se dit oh, j'espère que je vais avoir une carapace rouge ou avoir une peau de banane ou quoi que ce soit. Et des fois, on a un objet qui est tout pourri. Et tout ça, en plus, c'est des algorithmes qui font que plus vous allez être en galère à un moment dans le jeu, plus le jeu va favoriser le fait de vous donner des meilleurs objets. Donc le jeu va sans cesse en fait essayer d'influencer la course. Le jeu lui-même en fait est un joueur dans la course. Il rééquilibre, il va vous mettre des bâtons dans les roues quand vous vous en sortez trop bien. Au contraire, il va vous donner des petits coups de pouce quand vous galérez, et c'est ça qui fait tout le sel du jeu. Et justement là, je vous pose la question à vous quatre, on est souvent en train de parler dans d'autres systèmes d'équité entre les citoyens, d'éviter que les plus riches soient toujours plus riches et que les plus beaux soient plus beaux. Est-ce que Mario Kart n'est pas finalement la forme de jeu la plus égalitaire où, c'est-à-dire que bon, toi t'es vraiment trop bon, on va te faire redescendre, et toi t'es vraiment trop nul, on va t'aider à monter pour créer une sorte de milieu dans lequel tout le monde peut jouer ensemble. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en plus tu prends de pièces, plus tu roules vite. Donc est-ce que c'est une métaphore du capitalisme? C'est une bonne question. Mais oui, t'as raison, et c'est vrai que... Et là, je sais qu'il y a des auditeurs qui sont partis loin, ils disent, mais c'est des fous. Ah mais bien sûr, c'est des fous. Et mais tous les étés, ils les laissent... ils les laissent sortir. Mais c'est vrai que effectivement, quand t'es dans les derniers, t'as les meilleures options la plupart du temps dans ton algorithme, qui fait que derrière, tu peux te replacer plus facilement devant. Et quand t'es devant, en général, t'as les trucs les moins forts, c'est-à-dire des bananes ou des carapaces vertes. Oui. Et la fusée, effectivement, me souffle à l'oreille. Arrive quand t'es dernier. La fusée, c'est une sorte de gros missile avec des yeux, fort sympathique, mais qui permet de rattraper le retard et qui défonce tout sur son passage. Ouais, voilà. Ça nous fait prendre quelques places et le dernier est toujours très content. Alors, pense. À savoir qu'il y a un truc assez particulier sur l'opus, le dernier opus, donc Mario Kart 8 Deluxe sur Switch, c'est que les objets qu'on a ne dépendent pas uniquement de notre position, mais aussi de l'avance qu'ont les gens devant. C'est-à-dire qu'on peut être deuxième, si le premier est hyper loin, on va avoir des objets absolument incroyables, et en fait, parfois, on est tous dans un chaos absolument total pendant que le premier trace, parce qu'en fait il est déjà beaucoup trop loin. Donc des fois c'est compliqué de rattraper le premier parce que tout le monde est juste en train de se fracasser entre eux. C'est un peu compliqué parfois. Ce que j'appelle la zone morte, effectivement. C'est ce ventre mou entre le premier et tous les autres où voilà, t'as une sorte de diable de Tasmanie centrale avec plein de véhicules où tout le monde essaye juste de survivre. Oui, exactement ça. Et sur le coin de l'écran, il y a cette carte de la course, on voit une petite icône qui est censée symboliser les concurrents avec généralement, quand on est dans ce cas de figure, le premier qui est loin devant, et tout d'un coup on jette juste un coup d'œil sur le coin de l'écran, on se dit waouh, mais jamais je vais rattraper ce retard. Donc il y a quelque chose de d'assez particulier, tout comme il y a évidemment celui après qui on court, mais aussi ceux qui sont derrière. Oui. Parce que dans Mario Kart il y a cette gestion aussi de ceux qui sont juste derrière et sur lesquels on peut aussi envoyer des carapaces parce qu'on peut les envoyer derrière et devant. Oui, ça aussi c'est un coup de génie. C'est vrai que stratégiquement c'est assez fort ce qu'ont réussi justement Nintendo sur ce coup-là, c'est-à-dire que les carapaces dont on parlait sont des objets qui peuvent être offensifs comme défensifs. Donc on peut s'en servir pour détruire les adversaires devant, détruire les adversaires derrière, mais aussi les garder derrière soi pour au cas où on nous attaque, pouvoir se défendre, c'est-à-dire les deux carapaces se télescopent et on n'est pas du coup en défaillance par rapport à ça. Donc c'est ce qui participe aussi à mon avis. Il y a aussi un moyen d'échapper à cette carapace bleue. Et oui, le fameux klaxon. Ouais. Il y en a une autre qui est particulièrement difficile. Je savais bien qu'on avait raison de vous faire venir. Ouais. Je suis pas venu pour rien si tu balances cette bombe-là. Vas-y. C'est avec le champignon. Si on est premier avec le champignon et que la carapace bleue arrive sur nous, la carapace tourne pendant à peu près une seconde autour de nous, puis elle s'abaisse vers nous. Et à un moment donné, il y a une frame minuscule pendant laquelle on peut utiliser le champignon. Et en fait, on va utiliser le champignon tellement. C'est une fenêtre de tir, une frame. C'est une séquence d'animation. Exactement. C'est une fenêtre de tir qui permet tout d'un coup de. Tout à fait. D'agir. Tout à fait. En 0,1 seconde, c'est vraiment tout petit cet instant-là, et là on utilise le champignon, l'explosion de la carapace bleue ne nous touche pas, okay. Et on prend le champignon et on trace. C'est comme dans les films quand ils sortent de l'explosion au dernier moment. Exactement. Ils sont regardés derrière. Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais dans Mario Kart, au-delà du tracé des circuits qui sont incroyables la plupart du temps, il y a aussi ce côté de shortcut, de raccourci qu'on peut prendre via diverses options qui permet de pouvoir justement rattraper son retard, qui sont présents sur quasiment tous les circuits. Donc ils rajoutent un côté très fun et compétitif à toutes les compétition qu'on a dans le jeu, quoi. Complètement. Marion, vous disiez pendant la chanson que le moteur du tout premier Mario Kart sur Super Nintendo était le même que celui d'un autre jeu de course qui a énormément marqué l'histoire du jeu vidéo, oui, F-Zero. F-Zero, oui, c'était le fameux mode 7 sur la Super Nin, oui. C'est ça Super Nin. Non, ma génération dit Super Nintendo, mais oui, c'était le mode 7 qui permettait d'avoir... Super Famicom pour les... Pour ceux qui parlent côté japonais. Ouais. Mais oui, c'était une particularité de ce mode 7 de pouvoir permettre cette impression de vitesse et ces animations quand on passait sur une dalle, parce qu'à l'époque c'était pas des cases, des cubes sur lesquels on passait pour récupérer les objets, mais des cases qui nous donnaient ces objets là et c'était oui aussi sur le jeu F-Zero. C'était une petite prouesse à l'époque ce mode 7. F-Zero qui est d'ailleurs une licence que beaucoup de joueurs dont beaucoup de joueurs souhaitent le retour et Nintendo reste à l'image de Nintendo, très serein. Oui, peut-être. Ouais. On verra. On n'est pas. On va peut-être faire 17 Zelda avant. Oui. Zelda, ça se vend encore bien, non? On continue, ça va. Voilà. Et d'ailleurs, sur le 8, il y a un circuit F-Zero qui est très bien. Complètement. Alors, nous sommes toujours avec les journalistes Marion Bargiaki, Olivier Bénis, l'humoriste Dedo et le streamer Ponce pour parler de Mario Kart. Mais pour le moment, on marque une courte pause musicale avec Chaise Longue de Wet Leg, qui pourrait être une chanson d'un circuit de Mario Kart. purpose to assign someone to worry your mother. Excuse me. What? Excuse me. What? Hey, you, in the front row, are you coming backstage after the show? Because I've got a dress long in my dressing room and a pack of warm beer that we can consume. The Chaise Longue, c'était Wet Leg. Blockbuster. Frédéric Sigrist sur France Inter. Sur trois décennies et une multitude de Mario Kart, il est normal de trouver des gens, eh bien, qui n'aiment pas. Je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. C'est nul. Non, pas terrible. Zéro. C'est de la merde. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà. C'est pas le jeu qui détruit des amitiés. Aujourd'hui, découvrez Mario Kart 8, créateur de conflits, briseur d'amitiés. Tout ça pour dire qu'étrangement, quand t'es premier, c'est pas la même. Les nouvelles courses, honnêtement, je vais pas dire que j'ai trouvé ça mauvais, mais certaines, on se demande véritablement ce qu'elles font là. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'en termes, par exemple, parfois de design général, ce sont malheureusement des courses qui n'ont pas forcément été bien travaillées, où on a l'impression, par exemple, ça manque de pièges, ça manque de dénivelé, ça manque, voilà, de travail de ce style-là. Et malheureusement, je trouve que ça, c'est un des points qui est quand même assez... C'est pas décevant, mais c'est dommage, quoi. Quand t'es premier, que t'es devant tout le monde, sur toute ta course. Juste avant la ligne d'arrivée. La carapace bleue. La déclaration de guerre. L'amitié et la famille, ça existe plus. Mais il faut que tu l'envoies pour fâcher le premier et que ça te fasse du bien. Là, tu le détestes. C'est un item de rageux. Tu t'es doublé par 5 personnes, donc t'as bien les boules quand même. Tu arrives dernier, t'as galéré tout le monde. Sadisme. Oui, bon, en plus de ce qui se veut être, la vraie nouveauté de cet épisode, l'antigravité, qui permet aux pilotes de rouler sur les murs et les plafonds. Sur papier, c'est bien, quand on regarde les replays, c'est très beau, très sexy, c'est aussi bandant qu'un Twix en Jartel, y a pas de souci, mais en jeu, t'as pas du tout la sensation d'être à l'envers, par exemple. Cette antigravité, tu la ressens pas. Ça change quasiment rien au gameplay, si ce n'est que maintenant, quand tu touches quelqu'un qui est aussi en antigravité, tu gagnes un petit boost. Waouh ! Un mauvais moment à passer. Est-ce que vous souscrivez à certaines des critiques qui ont été émises? Alors honnêtement, oui, il y en a une qui me fait bien rire, c'est cette antigravité où en fait on voit pas qu'on est à l'envers, oui, ou sur le côté, pas, vu, oui, que la caméra suit à tel point. Je vais vous raconter un truc, c'est que ça fait des années que je joue à Mario Kart 8 Deluxe, du coup. Il est sorti le Deluxe en 2017. J'ai appris il y a quelques mois que c'était l'antigravité, que c'était un truc particulier à cet opus, l'antigravité. Je n'avais même pas saisi que c'était l'antigravité tellement ça ne se voit pas. Donc ouais, je rejoins au moins cet avis-là, effectivement. Et alors sur le manque d'originalité des circuits? Alors ça, je suis pas tout à fait d'accord personnellement, j'avoue. Je pense qu'il faut creuser pour voir la difficulté des circuits. Il y a plein de choses hyper compliquées à faire. On le voit notamment quand on regarde les fantômes des champions du monde, parce qu'il y a du contre-la-montre, donc on peut s'entraîner à ça. Alors, il faut que j'explique. Les fantômes, en fait, ce sont des courses faites par des champions du monde qui vous permettent en fait de vous mesurer à eux, et vous voyez une sorte de petite de voiture transparente qui fait le circuit. Et c'est voilà, c'est comme si vous étiez dans votre hôtel et vous dites je me mesure au champion du monde, et en général vous ne gagnez pas. Ah non, non c'est impossible. Mais c'est pour ça que je trouve que je suis pas trop d'accord avec cette critique là, dans le sens où en fait plus on joue au jeu, plus on se rend compte de la difficulté des différents parcours et donc de la profondeur des maps, des circuits. Donc je suis pas tout à fait d'accord, mais c'est juste qu'il faut passer du temps pour s'en rendre compte. C'est vrai, oui. C'est vrai. Et puis il y a aussi donc tous ces voilà tous ces raccourcis et ces défis. Vous nous disiez hors antenne que les gens se lancent voilà sur des sur cette compétition on n'a pas droit d'utiliser les raccourcis. Ouais, alors en fait, c'est hyper compliqué. C'est-à-dire qu'on peut utiliser des raccourcis, notamment avec des champignons. Champignons, c'est des objets qui nous donnent un boost de vitesse. Et avec ce boost de vitesse, on ignore totalement le sol. C'est-à-dire qu'on peut rouler dans l'herbe et au lieu d'être ralenti avec le champignon, bah, on ignore le ralentissement et on trace. Non, mais souvent, avec des champignons, on ignore beaucoup de choses. C'est vrai, c'est pas faux. Et en fait, ce qui se passe aussi, c'est qu'on peut aussi, avec des dérapages, on peut générer des dérapages. Plus on génère longtemps un dérapage, plus qu'on va lâcher le dérapage, on va avoir un boost de vitesse. Et grâce à ces boosts de vitesse, on peut créer des raccourcis qui, normalement, n'existent pas, sont pas prévus par le jeu. Et c'est plein de stratégies comme ça qui sont hyper compliquées et assez mécaniques au final à faire qui vont rajouter de la profondeur au gameplay. Et vous avez passé combien d'heures sur Mario Kart pour le connaître comme ça? Alors, Parce que même ma mère ne me connaît pas aussi bien que vous connaissez Mario Kart. Hein. Alors sur Mario Kart 8 Deluxe, j'ai je crois 1150 heures, je crois. Pas mal. Mais bon, c'est un bon début. En 4 ans, ça va, 1150 heures. J'en connais des joueurs entre guillemets pros, parce qu'il n'y a pas de scène vraiment professionnelle, c'est pas professionnel, c'est oui, juste des... Il va y avoir une World Cup dimanche 2021 et d'ailleurs les Français vont jouer leurs cartes. Exactement. Je pensais pas qu'on allait en parler. Je suis très content. En fait, les Français ont fait partie des meilleurs joueurs du monde de Mario Kart. Ça, il faut le savoir. On est vraiment monstrueux. Il y a deux autres nations qui sont aussi monstrueuses. C'est les États-Unis et le Japon. On a gagné les États-Unis en demi-finale. Donc, on est qualifié pour la finale contre les Japonais. On jouera cette finale dimanche à 17h. Si jamais les gens souhaitent suivre, on peut le voir sur Twitch, sur la chaîne Twitch. MKFR, tout attaché. Très bien, donc vous allez jouer contre les Japonais. Exactement, alors c'est pas moi qui vais jouer, hein. Moi je vais regarder tranquillement avec ma bière à la maison, mais tout à fait, ça va jouer contre les Japonais qui n'ont jamais perdu en finale de championnat du monde sur Mario Kart 8 Deluxe. C'est-à-dire qu'en fait, si la France gagne, c'est l'exploit absolu. C'est pas impossible. Et alors quand y a une victoire de ce type, est-ce qu'ensuite vous sortez dans la rue, mais avec des cartes, en train de faire... Ah bah moi j'aimerais bien, mais non, je crie tout seul. D'accord. Voilà. Et alors moi j'ai une question, parce que évidemment là on parle du sport que c'est devenu, des techniques, etc. Mais il y a aussi ces personnages de cartoon qui sont formidablement dessinés et qui piochent dans absolument toute la cosmogonie Nintendo. On trouve Bowser, Donkey Kong, Link qui fait de la moto, la princesse Daisy, Peach, Toad. Quel est votre personnage préféré, Mario? Moi c'est Link, mais parce que Zelda. Mais après voilà, je suis pas du tout objective là-dessus. Il pourrait être dans n'importe quel jeu, j'y jouais. Il était dans Soul Calibur à l'époque, oui. Jeu de combat sur GameCube. J'ai acheté le jeu juste parce qu'il était là. Link, le héros le plus silencieux du monde. Tout à fait. C'est ce qui fait son charme. C'est un taiseux. Hein. C'est ça l'homme idéal. C'est son côté mystérieux. Link qui sait se taire quand il faut. Et donc tout le monde pense qu'il s'appelle Zelda. Oui, tout le monde, quand même. Hein. Tout le monde passe, pas, des gens, pas des gens. Tout le monde. Zelda. Il y en a quelques-uns, mais il faut pas trop les fréquenter. Olivier Bénis, votre personnage préféré? C'est difficile à dire. Moi, Wario, souvent, parce que je trouve qu'il a, c'est le personnage qui colle le mieux à l'esprit sale gosse du jeu, en fait. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est lui-même très caricatural, avec un gros nez, des moustaches, qui ricane tout le temps. Oui, c'est le némésis c'est la version maléfique de Mario. Il n'y a rien de plus agréable quand on a réussi à frapper quelqu'un avec une carapace rouge que d'entendre Wario faire. Voilà, ça c'est très très drôle. Je le fais pas mal parce que je suis très bien. Que j'adore dans ces émissions Blockbuster où vous montrez une autre facette de vous, Olivier Bénis, c'est que j'imagine que les gens de la rédaction entendent et se disent ah ouais, ok, d'accord, ok. On y retravaille avec nous quand? Demain. Ah oui, okay. D'accord. Ah, on comprend mieux. Dédo? Moi j'ai toujours aimé ce que j'appelle les gros persos, parce qu'à l'époque ils allaient un peu plus vite que les autres, ils étaient moins neutres. Donc j'avais toujours Bowser ou Donkey Kong. Maintenant j'aime bien Roi-Bou aussi dans l'absolu. Oui. Et après mes racines italiennes me font dire Waluigi pour la même raison qu'Olivier ici. Mais encore plus vicieux. Oui. Eh bien, moi, c'est Luigi, pour la bonne et simple raison que la technologie permettant des expressions de visage de plus en plus appuyées, c'est via Mario Kart et via d'ailleurs certains mèmes qu'on peut trouver sur Internet, que je me suis rendu compte qu'il y avait vraisemblablement un gros problème familial entre Mario et Luigi. Parce que quand Luigi double, quand vous voyez les ralentis, on peut le voir sur Internet, il a un regard de haine. Et on sent mais tout le trauma de Luigi qui a grandi dans l'ombre de Mario, qui n'en peut plus. Et vraiment, quand il est sur son kart, il y a tout ça. Tu vois, ta maman, elle t'a toujours préféré. Il y a tout ça, quoi. J'ai toujours dû mettre des salopettes qui étaient trop petites pour toi. Enfin, il y a tout ça. Donc vraiment, je trouve que Luigi, c'est dans ce moment-là où je me suis dit, il faut aussi qu'il ait sa place au soleil. C'était parti d'une bande-annonce d'ailleurs pour le dernier Mario Kart où il y avait un ralenti où on voyait Luigi avec son regard qui suivait le personnage qui venait de doubler, et c'est devenu un mème parce que des gens ont fait des gifs et tout le monde s'est envoyé ça et s'est imaginé des histoires un peu effectivement familiales problématiques. Et alors comment expliquer que ce jeu cartonne toujours autant alors qu'il n'y a absolument pas de contenu additionnel sorti dernièrement, c'est-à-dire que la version sur Switch est sortie en 2017. Il n'y a pas vraiment eu beaucoup de nouveaux personnages, de nouveaux circuits, et pourtant on a l'impression, même que pour des gens qui vont faire l'acquisition d'une Switch, c'est presque un passage obligé. Il faut qu'on prenne Mario Kart. Mais oui, parce qu'aujourd'hui on prend plus Mario Party. C'est bête à dire, mais avant, à mon sens, sur les consoles précédentes, on achetait Mario Party pour jouer en famille autour de la télé, les mini-jeux qui s'enchaînaient, et puis il faut le dire, les Mario Party, les derniers, ils sont pas très bons. Ils sont même pas bons du tout, honnêtement. Donc du coup, Mario Kart, c'est le fun immédiat. Ça marche tout de suite. Donc c'est une valeur sûre. Tout le monde le sait, finalement. Ça se propage, c'est comme la rumeur. Donc même les parents dans les rayons des supermarchés se disent « Allez, Mario Kart, c'est facile, c'est valeur sûre. » Valeur sûre. On arrive bientôt à la fin de cette émission, mais chaque été, désormais, il nous fournit un titre, à nous, la playlist. Hein. Voici le RV 2021 qui nous chante Rodéo. Cette émission est réalisée par Céline Hila, assistée par Véronique Meyer. Elle a été préparée par Manon Rax, Cyril Marchand et notre stagiaire Romain Soranodac. Et aujourd'hui, à la technique, Guillaume Roux. Et au mixage, Jean-Philippe Jeanne. Je porte un visage couleur béton. Je porte le blouson que t'aimais bien sûrement. Je porte mes prisons, j'ai gardé espoir. Qu'y ait plus tes fantômes au parloir. Tout ce que j'entends, c'est ton sourire abstrait. T'as laissé derrière toi mardi dernier. Cette vie, c'est pâle, c'est fade. Sans toi, je vaux pas mieux qu'un nom. Je vaux pas mieux que ça. Je veux pas mieux que toi. Moi je les verrai pas. J'ai l'impression de sortir d'un coma. Quand tes yeux me flinguent d'un verre au pas. Tout ce que j'attends c'est ton fou rire abstrait. J't'ai perdu, j'savais plus combien j'étais. Cette vie c'est pâle, c'est fade. Sans toi j'vaux pas mieux qu'un autre. J'vaux pas mieux que ça. J'veux pas mieux que toi. C'était Hervé avec Rodéo dans Blockbuster sur France Inter. Yippee ! réponse. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur les arcanes de Mario Kart, parce que là, dans mon casque, il y a la réalisatrice qui est une grande joueuse qui dit « Non, il faut qu'il donne plus d'astuces pour aider le monde !» Il faut aider la France, pense. Donc déjà, est-ce que vous pouvez définir les différences entre les cartes? Parce que c'est vrai qu'il y a toujours cette possibilité de configurer son carte et de le personnaliser. Type de roue, adhérence à la route, rapidité, maniabilité. Exactement. Comment faire le choix d'un bon kart? Imaginez, vous êtes concessionnaire de cartes et je suis un jeune Mario piéton qui est. J'aimerais une bonne carte, qu'est-ce que je fais, Ponce? Je fais super bien Mario, c'est Mario qui a mélangé Mickey en fait. C'est vrai, c'est vrai. Et bien en fait, il y a un gros problème, c'est que tout le monde prend la même chose parce qu'il y a quelque chose qui est plus optimisé que tout le reste, c'est Waluigi avec le kart qui s'appelle le Wiggler avec des roues qui sont les roues rollers. Et voilà, vous avez le truc le plus optimisé. Pourquoi? Ah ouais. Parce qu'en fait, il faut trouver. En fait, il y a le poids, il y a aussi la vitesse de pointe, l'accélération, l'adhérence, voilà, il y a plusieurs points comme ça à prendre en compte, et le but c'est d'aller trouver une certaine cohérence entre tout ça, que ça qui est pas une trop grosse vitesse de pointe parce que sinon on a aucune accélération ou l'inverse, etc. Et en fait c'est ça qui est un peu triste avec le Mario Kart là, c'est que en fait il y a un truc qui est mieux que le reste, c'est ce que je viens de dire, c'est Waluigi avec le Wiggler et les roues rollers. Pourquoi Waluigi par exemple? Parce que c'est un personnage qui est considéré comme lourd, sauf que Waluigi il est grand et fin. Ah oui. Et en fait le fait qu'il soit fin fait que on évite plus facilement les carapaces parce qu'on prend moins de place, purement et simplement. Ce qu'on appelle la hitbox est plus petite, il prend moins de place. Donc après il y a plein de conseils comme ça, mais concrètement il y a un truc qui est mieux, c'est ça. Et alors est-ce que je peux faire un crédit sur pendant combien de temps? Oh bah parce que là vous m'avez convaincu, moi je veux une Waluigi avec des roues rollers maintenant. Oh, normalement tout le monde là, si on joue un peu on le débloque assez rapidement. D'accord. Ça sans souci, ouais. Mais du coup en compétition mondiale comme tu parlais tout à l'heure, tout le monde prend ce perso? Ouais. Ah ouais, alors après bon des fois il y a des variantes pour un peu différencier les joueurs entre eux, parce que sinon c'est galère, si tout le monde joue la même chose c'est compliqué. Donc on peut prendre Wario à la place, ce genre de choses, mais concrètement Waluigi avec le Wiggler avec les roues rollers c'est le mieux quoi. Voilà. Donc là, il y a tout plein de gens qui se disent, mais j'imaginais pas qu'on pouvait faire tout ça. Et alors, il y a aussi cette technique de dérapage et d'accélération après les dérapages, ouais. Ce que l'on appelle communément des drifts. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer comment faire pour bien faire son drift? Alors, effectivement. Donc, en fait, quand on se met à déraper sur un côté sur Mario Kart, on va sortir des drifts. Donc, le premier qui sort de suite sera, il me semble, le bleu. Le deuxième sera le jaune. Et le troisième sera le violet. C'est-à-dire que quand vous dérapez et que vous dérapez suffisamment longtemps, la nature des flammes qui sont sous votre carte change de couleur et c'est un indicateur sur le moment où il faut relâcher ou non. Exactement. Comme dans la vraie vie. Quasiment. Exactement. C'est-à-dire que quand on va relâcher, en fonction de la couleur de la flamme du dérapage, on va avoir un boost de vitesse plus ou moins gros. Il y a une stratégie, par exemple, qui existe, qui est absolument infâme à expliquer, mais en gros, le joystick, donc au lieu de le mettre tout à gauche ou tout à droite quand on fait le dérapage, on peut le mettre donc 25 degrés au-dessus ou en dessous de tout à gauche ou tout à droite de l'horizontale pour faire sortir ces dérapages plus rapidement. Voilà, c'est des stratégies qui sont ce qu'on appelle des use bugs, donc c'est pas pensé par le jeu initialement, c'est un peu bizarre, ça a été découvert par les joueurs et maintenant tout le monde l'utilise. Oui, on optimise un défaut de programmation. Après, ouais. C'est quand même compliqué de jouer avec une manette et un rapporteur dans la main, vraiment dans le bon timing. Ouais, mais c'est une habitude, c'est la mémoire musculaire. Au bout d'un moment, on s'y habitue, on est un peu plus doux sur le joystick, on s'en rend compte et puis on a les sensations et puis ça marche. Là, je pense qu'il y a plein de gens qui sont en train de dire, mais ils parlent du point G. Non, mais c'est là où on voit à quel point Mario Kart est un jeu accessible et technique. En exactement. Même. Et on pourrait dire exactement la même chose pour point G. Oui, c'est Mario aussi. Non mais c'est génial, on a appris que Mario Kart, donc ça rebattait les règles du capitalisme, que ça aidait à améliorer ses performances sexuelles. C'était une émission d'utilité publique. Je ne crois pas avoir fait un blockbuster aussi utile pour la population française que celui-ci. On est vraiment dans la sphère totale France Inter. Ah ouais, ouais. Partagez-le. Partagez. Ça va tester la solidité de votre couple aussi. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai. Ça c'est vrai. Et ça par rapport au point G, ça? Notamment. Et alors il y a un Mario Kart excusez-moi, il y a un Mario Kart dont on n'a pas parlé parce que on sort d'une grosse période de confinement et j'ai fait l'acquisition des Mario Kart en vrai, c'est-à-dire j'ai acheté donc les versions réelles du kart de Mario et de Luigi et on peut faire son circuit dans son salon avec une caméra qui est intégrée au kart et qui permet de faire la course comme ça. Est-ce que faut préciser que c'est des modèles réduits quand même. C'est des modèles réduits. Oui, bien sûr. Mais je ne vis pas dans un château. Voilà, et je ne libérerai pas Mario tant que. Donc, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'y jouer? Ouais, moi j'ai testé effectivement le jour de la sortie, j'en ai reçu et j'ai pu tester ça. C'est vrai que c'est assez marrant. Après, c'est pas les sensations de Mario Kart forcément, mais c'est plutôt rigolo. Je pense que ça plaît notamment aux plus jeunes. Concrètement, moi si j'avais eu ça à 10 ans, j'aurais adoré. Vraiment, j'aurais adoré. Et c'est plutôt marrant et c'est une technologie qui fonctionne pas mal. Oui. C'est-à-dire qu'on voit sur l'écran de la Switch ce que la caméra du petit kart filme. Donc en fait, c'est quand même assez immersif comme délire. Donc, et alors, si vous avez un chat à la maison, ce qui est mon cas, vous pouvez, mais ça promet des parties endiablées parce que tout d'un coup, le chat de la maison devient un véritable obstacle à gérer en direct parce que forcément, lui, il voit juste une voiture qui roule toute seule dans le salon et donc il court après et on a l'impression d'être dans Jurassic Park avec le tyrannosaure, sauf que c'est le chat du foyer qui poursuit. Donc voilà, c'était spécial dédicace à ces grands moments de solitude que j'ai vécu durant ce confinement. Et est-ce qu'on sait si un nouveau Mario Kart est dans les cartons? Ah là là, l'éternel débat. Ouais. C'est compliqué parce qu'en gros, là, on est sur un opus. Donc, Mario Kart 8 est sorti en 2014. Mario Kart 8 Deluxe, qui est en fait juste Mario Kart 8 plus tous les DLC, est sorti, lui, en 2017 sur la Switch. Et depuis, silence radio sur les Mario Kart, je sais pas. C'est compliqué d'imaginer un Mario Kart 9, surtout quand on voit les ventes de Mario Kart 8 Deluxe qui sont toujours au top du top, c'est ce que tu disais. Donc je sais pas. Franchement, je ne sais pas. Par contre, pour jouer beaucoup au jeu, je trouve que les fonctionnalités de Mario Kart 8 Deluxe commencent à un peu dater. C'est un peu ça, c'est un peu restreint comme fonctionnalité. Je pense que tant que Nintendo n'aura pas sorti une nouvelle console, ils vont tranquillement garder ça sous le bras, sachant qu'effectivement, ça fait partie toujours des meilleures ventes de la Switch. Ah ouais. Donc tant que tu gagnes, tu joues. Hein. Oui, puis en plus là, comme ils sont vraiment dans un plan de relance d'absolument toute la bibliothèque de jeux de la Wii U, et remasterisée pour la Nintendo Switch, ils sont relativement tranquilles. Est-ce qu'il y a d'autres jeux de course qui trouvent grâce à vos yeux? Eh bien, pas vraiment. J'avoue que je suis très arcade, moi. J'ai essayé tout ce qui est simulation de course, mais ça m'ennuie très rapidement, en fait. Le réalisme, les Forza, les choses comme ça. Non, ça n'arrive pas à me toucher autant parce que ça ne se partage pas de la même manière. Oui. On ne joue pas de la même manière à un Mario Kart qu'à un Forza. Les paysages, les circuits qui vont très vite, c'est chouette, mais le fun, c'est quand même le plus important quand on joue. Le fun, c'est le plus important. Oui. Après, dans ce cas de plus similaire, moi je trouve que Crash Team Racing est vraiment une très bonne surprise qui a été réadaptée sur PS4, qui était déjà très très fun à l'époque et pour le coup est un vrai lifting graphique très beau. Les circuits sont très jolis aussi et on y retrouve un peu de la sensation de Mario Kart. Même si c'est pas le même plaisir, il y a quelque chose qui vient un petit peu tirer vers ça. Donc c'est un très bon jeu que je conseille aussi. Il y a autre chose aussi, c'est Trackmania. Trackmania qui a été racheté par Ubisoft en plus il y a pas si longtemps que ça. Trackmania, pour le coup c'est très arcade, c'est pas simu, mais c'est arcade de la F1, donc c'est un peu particulier. Je saurais pas le décrire, c'est très épuré. Tout simplement, on contrôle une F1 sur des trajets plus ou moins improbables, et le but ça va être plus de l'optimisation de temps, etc. C'est un petit peu il y a pas d'objet, il y a pas de course contre les gens, on ne se croise pas quoi. Le but c'est plus course contre le temps quoi. Voilà. D'accord. J'aime beaucoup. Moi je sais que petit point fait, pourtant je suis pas du tout jeu de voiture ni rien, mais j'aime beaucoup Burnout Paradise. Qui est un jeu de voiture qui est réaliste visuellement, c'est-à-dire que c'est avec des vraies voitures, des vraies routes, vous êtes dans une ville, dans un monde ouvert, mais qui est totalement surréaliste sur les choses que vous pouvez faire, où vous n'arrêtez pas de faire des sauts, des bonds, retourner la voiture, l'exploser contre des murs. C'est hyper drôle à jouer. Je trouve que si on devait prendre un jeu de voiture, c'est ce qui se rapprocherait le plus peut-être de l'expérience d'un Mario Kart. Et bien moi, mon jeu de course préféré, c'est il y a un remaster qui va sortir bientôt, c'est Sonic Colors. Parce que finalement, comme je le disais, pour moi Sonic n'a pas besoin de monter dans un kart pour aller vite. Et quand Sega accepte de faire un jeu où Sonic va vite et où il doit éviter au dernier moment rebondir sur un bumper, il se passe quelque chose et on retrouve le Sonic que j'aime. Et donc comme ça sera toujours ma mascotte de cœur, même si je lui fais des infidélités depuis longtemps. Voilà, c'est la fin de cette émission. Marion Bargiaki, Olivier Bénis, Dedo, Ponce, merci d'avoir évoqué Mario Kart et absolument sur France Inter, et on a pu voir à quoi ça servait. Ça servait à plein de choses, vraisemblablement. Vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou sur Twitter avec le hashtag BlockbusterFI. Good play. Demain dans Blockbuster, on parle d'un Jack qui a passé de nombreuses années sur sa planche. Non, non, non, ce n'est pas Titanic. Je parle d'une planche à dessin. On parle d'une star nommée Kirby. Non, pas la créature de jeux vidéo qui copie ses adversaires. Je parle d'un dessinateur souvent copié. Il a créé les quatre fantastiques. Captain America. Je veux bien entendu parler de... Henry. Non, Jack Kirby, bon sang. Demain, on parle du dessinateur Jack Kirby. France Inter.